إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours de Cheikh Salih du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dans Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, le sharh de Cheikh ibn Uthaymeen, et on va faire jusqu'à 6h30, et à 6h30 inshallah après on va faire le tafsir inshallah. On est arrivé au cours numéro 31 la radio. J'ai écrit le cours 29, mais c'est une erreur. On est au cours 31. On était en train d'expliquer au dernier cours le verset 164 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kallama Allahu Musa taklima ». Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa clairement et de vive voix. Et on a expliqué que la position de Ahl al-Sunnati wal Jama'a au sujet de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-Kalam, c'est que on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle comme il veut, quand il veut, et on a dit qu'il dit ce qu'il veut. On a expliqué ça. نؤمنوا بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء. Donc il dit ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. On a expliqué ce que ça veut dire. Par la suite. Après, on a expliqué les égarements de deux groupes. Le groupe du Mu'tazila, qui considère que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas la parole. Ils n'affirment pas la parole à Allah. Ils considèrent que la parole, elle est créée. Que Allah a créé une parole et il l'a appelée symboliquement sa parole. Pour eux, ce n'est pas la parole d'Allah. Allah ne parle pas selon les Mu'tazila. Donc il renie la révélation à ce sujet-là, c'est-à-dire il n'affirme pas ce que Allah a affirmé, mais il le déforme. Il déforme le sens de ce que Allah a dit à ce sujet-là. Et les Asha'ira, on a expliqué que l'Asha'ira, ils affirment la parole, en principe, ils semblent affirmer la parole à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'en réalité, ils ne l'affirment pas réellement, puisqu'ils disent que la parole d'Allah, c'est ce qui est établi en Allah, et que le Coran, c'est uniquement une expression de la parole d'Allah, ou une expression de ce qui est établi en Allah, mais pas la parole d'Allah elle-même. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement, et c'est contraire à la réalité. Donc le point où on était rendu, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il explique maintenant, il dit « ثم اعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الأشاعرة أو على طريق المعتزلة بَطَلَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ بَطَلَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَقِيمُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل وليس لها معنى كما خلقنا نحن على هذا الشكل يعني أعضاء رأسا وصدرا وبطنا وظهرا فالكلام إذن كان مخلوقا صار عبارة عن صور مخلوقة فالصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا كلها مخلوقة لا معنى لها وإذا كان كذلك بطل الأمر والنهي وصارت قل بمثل لا تقربوا كلاهما سورة معينة خلقها الله فهذه لا تدل على أمر ولا هذه على نهي ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء رحمهم الله على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله لأن القرآن أوامر ونواه وحل وحرمة فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا فليس هناك أمر ولا نهي ولا حل ولا حرمة وإنما هي حروف خلقت على هذه الصورة. Donc ici le cheikh il explique un point important par rapport à l'idée des Mu'tazila et des Asha'ira aussi qui considèrent que la parole d'Allah est créée, ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Eh bien le cheikh il dit si tu sais donc qu'est-ce qu'on vient d'expliquer par rapport à la position des Mu'tazila et des Asha'ira du fait qu'ils ont contredit la parole d'Allah lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa kallama Allah Musa taklima, ni peu importe que ce soit selon la voie des Mu'tazila ou la voie des Asha'ira, si tu considères que la parole d'Allah est créée, alors dans ce cas-là, c'est comme si tu as complètement annulé l'ordre et l'interdiction. C'est comme si, c'est-à-dire que tu reconnais pas ou bien tu peux pas affirmer que quelque chose est ordonné par Allah ou interdit par Allah. Parce que si tu dis, par exemple, aqimus salah, lorsque Allah dit ce qui signifie établir la salah, tu dis que ça s'est créé, ça veut dire que dans ce cas-là, Allah a créé des lettres dans une forme particulière, mais qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification réelle. Hein? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à la parole d'Allah puisque c'est créé. Et donc on lui donne le sens qu'on veut. Hein? Et c'est ça la réalité du danger de la position des Mu'tazila et des gens de Bid'a qui ont nié la parole d'Allah. Parce que quand tu dis que la parole d'Allah est créée, ça dit que tu vas pas respecter cette parole-là comme étant la parole d'Allah elle-même, mais comme étant quelque chose qui est créé, donc ça veut dire comme une autre créature. Et en même temps, tu vas pas donner la réelle valeur des mots qui sont mentionnés parce que elles n'ont pas un sens réel. Hein, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Et il dit, c'est la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans une forme en particulier avec une tête, une poitrine, un ventre, un dos. Hein. Donc Allah a créé des lettres, il a créé des formes, et puis elles n'ont pas un sens spécifique, c'est des choses créées. Et donc il dit par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction. Donc quand Allah il dit « qul », donc quand il dit « la taqrabu », donc Allah les a créés dans d'une forme spécifique et ça indique pas un ordre ou une interdiction, mais c'est juste des choses comme ça qui n'ont pas de sens. Et c'est ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et l'imam ibn al-Qayyim et d'autres parmi les ulama ont mentionné, que si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire que tu as détruit complètement la révélation, tu as détruit complètement la législation divine. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que le Coran est rempli d'ordres et d'interdictions. Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est ordonné? Qu'est-ce qui est interdit? Donc si tu dis que le Coran est créé, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'interdiction. Et donc l'exemple de ça, c'est quand tu lis dans les livres des Asha'ira, tu vois ça dans les livres des Ash'ara, quand tu lis leurs livres de Aqidah, tu vois que c'est ça qu'ils disent dedans, que le Coran, ils disent que le Coran qu'on a, c'est pas la parole d'Allah, mais c'est une expression de la parole d'Allah, parce que pour eux, la parole d'Allah, dedans, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de, par exemple, d'ordre ou d'interdiction, hein, c'est une seule parole éternelle, qui n'a pas de début, puis qui n'a pas de fin. La façon comment ils définissent la parole d'Allah, c'est pas la même que la façon qu'on a trouvé dans la révélation, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. D'accord? Donc, ensuite, il donne un autre exemple de ce point-là, en parlant des étoiles. Et il donne l'exemple de certaines étoiles, comment Allah les a créées d'une façon. Et ce point-là, c'est pas nécessaire de lire en détail toute cette partie-là, parce que c'est plus des descriptions pour ajouter à l'exemple qui vient juste de mentionner préalablement. Donc il dit: إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لزم من ذلك أن القرآن مخلوق وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة وليست تدل على أمر ولا نهي وليس أي ليس لها معنى. Donc si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire, si tu dis que la parole d'Allah est créée, ça veut dire que le Coran est créé, et si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire que il l'a créé d'une façon, et il a créé les lettres d'une façon, et donc il n'y a pas d'ordre dedans, il n'y a pas d'interdiction, et donc il n'y a pas de signification dans la parole d'Allah. Hein? C'est une chose créée qui n'a pas de sens. Donc après il dit: وعلى كل حال فنحن نؤمن بأن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم بكلام وأن الله يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت لكن نحن لا نعرف كيف يتكلم لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من كيفية صفات الله إلا ما أعلمه الله عز وجل والأدلة على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل متعددة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فأكد الكلام بالمصدر لينفي احتمال المجاز أما المعتزلة فقالت في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة يعني جلبه أو جرحه بمخالب الحكمة لأن الكلم أو الكلم في العربية هو الجرح يعني فيصير الله عز وجل قد جرح موسى تجريحا لكن ليس بالسكين ولا بمخالب السقر وإنما بمخالب الحكمة وهذا تحريف ظاهر نسأل الله العافية. Donc, le cheikh dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut expliquer à ce sujet? C'est que nous, on doit croire en Allah, comme il nous a ordonné de croire en lui. Et il nous a révélé qu'il parle. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'il a l'attribut de la parole. Donc, nous devons croire que le Coran est la parole d'Allah. Et que Allah parle avec une parole qui est son attribut. Et cette parole, elle est composée de lettres, et on peut l'entendre par sa voix. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être, sa parole est audible, hein. Il parle avec une voix. Comme c'est mentionné dans le Coran et comme c'est mentionné dans les hadiths. Mais, on ne sait pas comment. Le comment, hein, on ne sait pas. Parce que, toutes les attributs d'Allah, peu importe quel attribut dont on parle, que ce soit le fait que Allah est au-dessus de sa création, le fait qu'il descend au tiers de la nuit, dans chaque nuit il descend au dernier tiers de la nuit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, va venir au jour de la résurrection, ou des choses de ce genre, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il va venir, on sait qu'il s'élève au-dessus de son trône, on sait que il parle et ainsi de suite. Mais le comment, on l'ignore. C'est comme l'imam Malik, il a dit, l'imam Malik ibn Anas, hein, rahimahullah, il a dit qu'on lui a posé la question à propos de al-istiwa, il a dit al-istiwa ma'loum wal-kayf majhoul wal-iman bihi wajib wal-su'al anhu bid'ah. Hein? Donc l'imam Malik, il a dit al-istiwa, il est connu. On sait sa signification dans la langue arabe et c'est un mot qui est connu dans la langue arabe, et le commun, on l'ignore. Hein? Et d'y croire est une obligation, et de poser une question à son sujet, c'est une innovation. De rentrer dans le commun, ça c'est une innovation, ça rentre dans les bid'ahs. Et donc le cheikh, il explique ici, il dit, le commun, personne ne le connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas le commun des attributs d'Allah, excepté ce que Allah lui a fait connaître de sa personne. Et les preuves de l'affirmation de la parole, de l'attribut de la parole à Allah sont nombreuses. Donc parmi les preuves, قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. Parmi les preuves, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah a parlé à Moussa clairement, de vive voix. Et il a confirmé ça par le masdar taklim. كلم يكلم تكليما. Donc le masdar, ça vient confirmer le verbe. كلم تكليما. Donc quand quelque chose est confirmé par le masdar de cette façon, ça peut pas être majaz. Majaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire allégorique ou symbolique. Comme certains parmi les Mu'tazila ou les Jahmiya ou les Asha'ira, ils vont dire à propos des attributs d'Allah, quand c'est des attributs d'action, ils vont dire, ah, ça c'est majaz. C'est pas réel, c'est majaz. C'est-à-dire, c'est symbolique. C'est allégorique, c'est pas réel. Et donc, le fait que le verbe est confirmé par le masdar, ça vient confirmer que c'est pas allégorique, c'est réel. Hein? Allah a parlé réellement à Moussa et il a parlé clairement et de vive voix. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils ont une autre interprétation pour ce verset. Ils disent pas que ça veut dire que Allah a parlé. Ou même des fois, les Mu'tazila, même des fois, ils déforment le verset. On va voir l'exemple de ça. Par exemple, quand ils disent, au lieu de dire « wa kallam Allahu », ils disent « wa kallam Allaha Moussa taklima », en voulant dire comme si c'est Moussa qui a parlé à Allah, pas Allah qui a parlé à Moussa. Ils déforment le verset. Au lieu de mettre « lafzul jalala » yani marfou, pour dire que c'est lui le fa'il, eux, ils le déforment et ils le mettent avec la fatha pour dire qu'il est mansoub, dans le sens qu'il est le maf'oul et pas le fa'il, en voulant dire que c'est Moussa alayhi salam qui parle et non pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Mais ça c'est clair que c'est une déformation. Et ils ont une autre façon aussi comment ils interprètent le verset. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a blessé Moussa avec les serres de la sagesse, les serres. Comment on appelle les oiseaux de proie, ils ont des griffes, ouais, les griffes, hein. Les aigles, les faucons, là, ils ont des pattes comme ça avec des serres, on appelle ça des serres, je crois, des griffes. Eh ben, le singulier c'est mikhlab et le pluriel c'est makhalib, hein. Donc eux ils disent il l'a blessé avec les griffes de la sagesse. Parce que pourquoi? Parce que dans la langue arabe, une des significations de al-kalm, hein, c'est al-jarh, la blessure ou le fait de blesser. Donc ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a blessé Moussa, hein, et c'est pas avec des couteaux mais avec des macha, et non pas avec des griffes comme ceux des faucons, mais la sagesse, avec les griffes de la sagesse. Et le cheikh, il dit, ça c'est de la déformation, la falsification claire, hein, et apparente. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, souvent les gens de bid'ah, c'est ce qu'ils font. Quand par exemple, ils voient que qu'est-ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna, c'est en contradiction avec leurs principes, Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de le déformer, de changer le sens, pour jouer avec, pour le mettre en accord avec leurs désirs. Et c'est ça qu'est-ce que les juifs ont fait dans le passé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يحرفون الكلمة عن مواضعه. Ils déforment la parole de son contexte, hein? Et ça c'est très dangereux, yani Allah musta'an. Le verset suivant qui est mentionné par le cheikh Ibn Uthaymin dans le livre Aqidatu Ahl Sunnah, c'est وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ça aussi c'est un autre verset qui signifie lorsque Moussa alayhi salam se présenta à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Hein, que son Seigneur lui eut parlé. Donc ça c'est le verset en question, c'est le verset 143 dans Surat Al-A'raf. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin il dit qawluhu ta'ala ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وأتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المحرفين من حرف الآية التي قبلها لفظا فكان يقرأها وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة لكي يقع التكليم من موسى إلى الله فيكون موسى هو المتكلم فأتينا بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهنا لا يمكن أن يقال إن المتكلم هو الله إن المتكلم هو موسى لأنه تعالى قال وكلمه ربه فهو صريح أن الكلام من الله تعالى. Donc le cheikh il dit ici on a mentionné le verset 143 dans sourate Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Eh bien on a mentionné ce verset là après celui qu'on a après le précédent, c'est-à-dire yani وكلم الله موسى تكليما. Pourquoi? Parce que certains parmi les Mu'tazila ont déformé le verset, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Au lieu de dire وكلم الله, ils disent وكلم الله pour montrer que c'est Moussa alayhi salam qui parle et non Allah. Et donc le verset qu'on a mentionné après ce verset là c'est pas possible pour eux de le déformer, la façon dont il est formulé, c'est pas possible pour eux de changer l'i'rab pour faire croire que celui qui parle c'est Moussa alayhi salam, puisque la parole elle est claire ici. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a parlé à Moussa et non pas le contraire. Il dit wa fi hadhihi al-aya lamma ja'a Moussa li miqatina wa kallamahu rabbuhu fi hadhihi al-aya raddun 'ala al-asha'ira من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة وهذه الآية رد تماما عليهم لأن الكلام إنما حصل لما جاء موسى فهو كلام حادث بعد أن لم يكن قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني هذه محاورة وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بمشيئته وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا. Donc ça c'est un point intéressant que le cheikh il mentionne ici pour nous faire comprendre que même si les Asha'ira, la secte des Asha'ira, ils prétendent affirmer l'attribut de la parole, quand ils affirment leurs 7 attributs ou leurs 13 attributs, parmi ces attributs là ils mentionnent Al-Kalam. Eh bien c'est pour montrer que leur affirmation de Al-Kalam elle n'est pas comme l'affirmation de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Pourquoi? Parce que pour eux, hein, quand on voit le verset, le cheikh dit ça, ce verset-là, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Lorsque Moussa est venu à notre rencontre, à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui a parlé, eh ben, il y a une réfutation dans ce verset pour, contre les Asha'ira. Pourquoi? Parce que les Asha'ira, ils disent que la parole d'Allah, c'est la signification qui est établie en Allah, hein, en son être. Et donc, pour eux, l'attribut de la parole n'est pas relié à la volonté. C'est-à-dire que, pour eux, l'attribut de la parole, c'est un attribut qui est unique et éternel, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc c'est pas quelque chose que Allah fait quand il veut et que lorsqu'il veut pas le faire, il le fait pas. Pour eux, c'est quelque chose qui est éternel comme l'éternité de son être, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et donc quand on regarde dans ce verset, on voit clairement que le verset nous indique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa à ce moment-là en précis, hein, et que avant ça, il ne lui a pas parlé. Et que il y a eu un échange entre Allah et Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam lui a parlé. Allah lui a parlé, Moussa lui a répondu. Il a dit, oh mon Seigneur, montre-toi pour que je puisse te voir, pour que je puisse te regarder. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il lui a dit, lan tarani, tu vas pas me voir, hein, mais regarde la montagne. Si elle reste sur place, là tu vas me voir. Donc il y a un dialogue entre Allah et Moussa alayhi salam. Donc ça, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, hein, à Moussa et que Moussa lui répond. Ça veut dire que la parole d'Allah, elle est rattachée à sa volonté. Ça veut dire que c'est une attribut qui est relié à sa volonté. Et c'est une parole nouvelle que Allah dit à Moussa. Et quand Moussa alayhi salam lui pose une question et que Allah lui répond ça encore c'est une autre parole nouvelle, hein. Donc, l'attribut de la parole, les ulama, ils disent que c'est une attribut de son être, de l'être d'Allah dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu l'attribut de la parole éternellement, sauf que elle est reliée à sa volonté, c'est-à-dire qu'il parle quand il veut. C'est comme la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un moment où la terre, elle n'était pas créée, et à un autre moment, il l'a créée. Hein? Donc ça veut dire que, yani, il crée quand il veut. Cet attribut de l'action est relié, l'attribut de l'action est relié à la volonté. D'accord? C'est ça la différence entre les attributs de l'être. Les attributs d'action et les attributs de l'être. Les attributs de l'action sont reliés à la volonté. D'accord? Il les fait quand il veut. Et quand il ne veut pas, il ne les fait pas. C'est pas comme la science, par exemple. Ou bien comme l'ouïe ou la vue. Ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses dans le sens que... Là, je veux pas dire n'importe quoi. Là. Peut-être que j'ai... Disons, et façon, qu'est-ce que je viens juste de dire? Donc, il y a des attributs qui font partie de son être. Comme par exemple... son visage, ça c'est éternel. Yani, le fait qu'Allah a une main, le fait qu'Allah, ainsi de suite. Ça c'est des attributs de son être. Tandis qu'il y a des attributs qui sont reliés à sa volonté. Les attributs d'action. Maintenant, le cheikh il dit que l'attribut, les Asha'ira pour eux, l'attribut de la parole, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Puis il n'y a pas de nouvelle parole. Selon eux, la parole, c'est toujours la même, éternellement. Ça, c'est pour ça que c'est là que tu vois que leur conception des attributs et des noms d'Allah sont des conceptions basées sur la philosophie, sur les idées des Grecs. Ils ont interprété les attributs d'Allah selon la conception de Aristote et sa façon de concevoir la métaphysique et qu'est-ce que c'est son idée de la perfection. Hein? Donc quand tu vas lire qu'est-ce que c'est la perfection pour comment il le décrit Aristote, tu vois que eux ils vont dire par exemple c'est qu'il va donner quelques des principes ou des conditions ou des règles pour dire qu'est-ce que c'est comment une chose doit être pour être parfaite. Eux, ils ont pris ces règles-là, puis ils ont voulu appliquer ça au Coran et à la Sunna, et appliquer ça à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, pour que quelque chose soit parfait, il doit respecter ces règles-là. Et donc, si on trouve dans le Coran quelque chose, comme quelque chose qui est affirmé à Allah, mais qui ne respecte pas ces conditions de perfection que Aristote a mentionnées, alors on va le déformer. On ne va pas l'affirmer tel quel. Hein? Donc si quelque chose, par exemple, ils disent, si quelque chose a un mouvement, il n'est pas parfait. Parce que la perfection, c'est d'être immuable, de ne pas bouger, ou de, des choses comme ça. Ou bien la perfection, ils ont plein de règles comme ça, là, je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais c'est ça que tu constates dans les paroles de ces gens de kalam. C'est que quand ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont dire, on ne peut pas affirmer que Allah s'est élevé au-dessus du trône. Hein, on ne peut pas affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il parle, et des choses de ce genre. Donc, tu vois que ils ont établi des règles et des principes que eux ils ont considérés comme étant rationnels, ok, pour essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils sont tombés justement dans la négation des attributs à cause de ça. Le cheikh il dit ensuite. وكذلك ما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي هذا كلام حادث لا شك لأنه بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل Hamadani Abdi. Donc le cheikh il donne un autre exemple dans le fait que dans le hadith de Abu Huraira, c'est un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que j'ai séparé ma prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Donc il dit, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire louange à Allah le Seigneur des mondes, eh bien, il dit « Hamadani Abdi », c'est-à-dire « mon serviteur m'a glorifié ». Donc ça, c'est une nouvelle parole, il n'y a pas de doute, hein, puisqu'il le dit après que le serviteur dise « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « mon serviteur m'a glorifié ». Le verset suivant qui est mentionné dans « Yani » le verset dans le livre. Naam. C'est wanadaynahu min janib at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous l'appelâmes du côté droit du mont et nous fîmes approcher. Hein, nous le fîmes approcher tel un confident. An-najwa, najiya, nadaynahu, an-nida, ça c'est l'appel à haute voix, comme on a dit l'autre fois. Et l'autre verset, wa qarrabnahu najiya, ça veut dire de lui parler à voix basse. Donc on a parlé de ça au dernier cours. Et donc ça implique la parole aussi. Il dit wa qawluhu, hein, wa qawluhu ta'ala wa nadaynahu min janib at-tur al-ayman, le mont en question c'est le mont Sinaï. Wal fa'ilu fi qawlihi wa nadaynahu huwa Allah 'azza wa jalla. Wan nida'u bi sawtin murtafi' min janib at-tur al-ayman, hein, sifatan li janibin li janib la lit-tur al-ayman. يعني صفة لجانب لا للطور لأنه ليس هناك طوران فالطور واحد لكن له جانبان أيمن وأيسر ولهذا في آية أخرى وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن فجاءت الأيمن منصوبة لأنها صفة لجانب وقوله وقربناه نجيا يعني جعلنا نناجيه والمناجاة هي الكلام بصوت خفي بصوت خفي. إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا ولا مانع لأنه لا نقص في ذلك. ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف ولا بحرف؟ والله تعالى قد ذكر عن نفسه أنه يتكلم بحرف وبصوت. وفائدة أن المصلي إذا صلى ولم ينطق بما يقرأ ليس له صلاة، ولو حدث نفسه في صلاته لم تكن صلاة لأنه ليس بكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فهنا قيد، فقال يقولون في أنفسهم قولا ليس مطلقا بل هو مقيد. Donc le cheikh il explique que dans ce verset, comme j'ai dit tout à l'heure, Nida, c'est la voix, l'appel d'Allah à voix haute. Wanadaynahu, nous l'avons appelé à voix haute. Min janib at-tur al-ayman, du côté droit, de la montagne. Et il dit ensuite donc que wa qarrabnahu najiyan, nous l'avons rapproché en lui parlant à voix basse. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que al-munajat c'est à voix basse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec une voix qui est audible, qui peut parfois être haute ou qui est forte, ou bien parfois basse. Parfois il parle à voix basse. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a aucune imperfection dans ça. Et donc de quel droit pourrions-nous dire que Allah ne parle pas avec une voix ou avec des lettres, alors que Allah lui-même l'a mentionné à son sujet, au sujet de sa personne. Et il dit le cheikh ensuite, et un point bénéfique à ce sujet-là, c'est que la personne qui fait la salat, quand elle récite, quand elle fait sa salat, elle peut pas juste, comme par exemple quand elle fait la prière, juste réciter le Coran dans son cœur seulement sans bouger ses lèvres. Ça c'est ça, si elle fait ça, c'est pas considéré comme une salat qui est valable. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, si tu prononces pas, si tu fais pas sortir, si tu fais pas bouger ta langue et tes lèvres, et si tu laisses pas sortir un son, c'est pas considéré comme comme une parole. C'est pas considéré comme une parole. Pour que ce soit une parole, il faut que tu bouges ta langue et tes lèvres et qu'on entende un son, même si c'est à voix basse, ou même si c'est juste toi qui t'entends toi-même. Mais de parler, de pas parler du tout, comme tu restes comme ça, tu récites la Fatiha, tu bouges même pas tes lèvres, ça c'est pas considéré comme étant valable. T'es comme ça. Ça c'est pas considéré comme étant une salat qui est valable. Et même que yani, si quelqu'un récite le Coran comme ça, il a pas de récompense pour la récitation du Coran, pour les lettres qu'il récite, parce que c'est comme s'il avait pas lu, c'est comme s'il avait pas récité le Coran vraiment, puisqu'il prononce pas les lettres. Et à ce sujet, le cheikh il dit pourquoi? Parce que c'est pas une parole. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Mujadala wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adhibuna Allahu bima naqul, c'est-à-dire lorsqu'ils disent en eux-mêmes, eh bien le cheikh il dit ça c'est spécifié ici qu'ils disent en eux-mêmes. C'est-à-dire que étant donné que la parole ici elle est en eux-mêmes, parce que si tu dis yaqulun sans mentionner en eux-mêmes, automatiquement on va comprendre qu'ils disent à haute voix, ou qu'ils prononcent la chose avec leur bouche et leur langue. Donc si tu dis pas fi anfusihim, on va pas comprendre que la personne elle pense à cette chose là c'est une pensée en réalité, c'est pas une parole. Donc c'est pour dire que il y a pas de preuve dans le fait de mentionner ce verset là pour justifier que on peut parler en soi-même et que ça c'est considéré comme une parole, puisque en réalité c'est le contraire, c'est une preuve contre la personne qui prétend que ça c'est une parole, puisque le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié en eux-mêmes, donc ça prouve que c'est pas la façon générale, c'est pas considéré comme une parole en général, sauf si on spécifie que c'était en eux-mêmes. Je sais pas si vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Vous avez compris le point? يقولون في أنفسهم, c'est-à-dire si quelqu'un par exemple dit oui mais tu dis que si on bouge pas les lèvres c'est pas une parole, pourtant Allah il dit dans le Coran ويقولون في أنفسهم, c'est-à-dire ils disent en eux-mêmes, ça c'est à dire qu'ils ont dit quelque chose, n'est-ce pas? Eh ben le cheikh il répond à ça, il dit ça c'est pas une parole, la preuve que c'est pas une parole c'est que Allah a spécifié que c'est en eux-mêmes qu'ils l'ont dit. Mais s'il l'aurait pas spécifié, tout de suite on aurait compris que c'est une parole qu'ils ont dit à haute voix ou qu'ils ont prononcée. Mais plus qu'il dit en eux-mêmes, ça c'est la preuve. Il dit qawlan laysa mutlaqan bal huwa muqayyad. D'accord, c'est muqayyad, c'est-à-dire c'est restreint par rapport à la signification, elle est restreinte par rapport au fait qu'on a rajouté dessus fi anfusihim, en eux-mêmes. Sinon la parole en général c'est pas en soi-même qu'on parle, mais c'est à voix haute ou bien à voix basse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va passer maintenant à notre cours de tafsir, Inch'Allah. Le verset, le cours prochain c'est 32, Inch'Allah demain. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإياكم.